Mais d'abord, il faut sortir nos vidanges. Trash of the day. On dompe nos grosses vidanges sales. Oh boy. On a un bon, hein? Oui. C'est la une du National Post. C'est la une de tous les journaux de Toronto. Ben, du Canada, mais anglais, là, puisque c'est... Canada-anglais, t'as raison. Ça m'intéresse moins. Là. Exactement. Ça se passe à Toronto, c'est le procès qui vient de se terminer avec le verdict. Coupable. Père ou Pierre Kahiri. Pierre Kahiri. Le 18 mars 2008, a tué sa femme. Et après lui avoir tranché la gorge, a tout bonnement pris un autre couteau, puis l'a poignardé 5-6 fois. Question de, bien sûr, donc, la job t'a faite. C'est un Afghan de 65 ans qui est arrivé au Canada. C'était en 2003, hein, Jean-Claude? En 2004, il est arrivé au Canada. C'est pas, il est assez récent. Et l'immigration au Canada, ils l'ont laissé aller. Ils ont fait passer deux, trois tests. Ils ont fait le petit serment du Canada. Serment du Canada, ça te tente de venir, tout ça, on a des valeurs. Multiculturel en même temps, donc tu as le droit de garder ta culture, il n'y a pas de problème. Puis même si on te dérange, tu viendras nous le dire, là, nous autres, on veut vraiment pas te déranger. Puis il a tué sa femme parce qu'il la trouvait trop canadienne. Trop occidentale. Écoutez un extrait du reportage diffusé sur les ondes de Radio-Canada hier concernant le verdict de culpabilité rendu à son endroit. Résultat, c'est homicide involontaire. C'est épouvantable. Là. Moi, il me semble qu'il voulait la suivre. Il l'a égorgé. Non prémédité. Mais c'est non prémédité, exactement. C'est meurtre non prémédité. Ouais. T'as raison. C'est pas meurtre prémédité, c'est non prémédité. Donc, sous le coup d'une impulsion, là, regarde, il a tranché la tête. Il voulait pas la tuer. Il voulait juste trancher la tête. Attention, suivi de 5 coups de couteau au torse. Il voulait juste y envoyer un message. Elle avait l'aorte tranchée, mais lui, il a quand même décidé de la piquer un peu, là, juste pour être sûr, tu sais. Incroyable. On écoute. Essentiellement, le Torontois d'origine afghane reprochait à sa femme d'inculquer des valeurs trop libérales à leurs 4 filles. La famille était arrivée au Canada il n'y a pas si longtemps, en 2003. They've lost both parents essentially in one act. C'est une situation particulièrement difficile pour les enfants, rappelle celui qui a mené l'enquête. D'un seul coup, les 4 filles ont perdu leurs 2 parents. À l'annonce du verdict, le condamné était visiblement ébranlé. Interrogé par la couronne, Pierre Kahiri avait surpris la cour en plaidant la légitime défense. Il avait affirmé que son épouse l'avait d'abord attaqué avec un couteau. Mais il n'y avait pas de trace de couteau nulle part, mais elle était démembrée. Ouais, il restait plus beaucoup de peau pour retenir la tête. Là. On a vu des images d'un mur plein de sang. Ça a été montré à la télé. Les filles ont refusé pour certaines d'entre elles de venir témoigner, mais il y en a une qui a dit « That monster said he was going to kill her. I knew I shouldn't have gone to work. » Tu sais, elle se sentit coupable. Tu sais, j'aurais pas dû aller travailler, j'aurais dû rester à la maison. C'est pendant... Mais non, mais regarde, j'en lis un peu plus sur l'histoire. Ranjida était sa femme, OK? Oui. 53 ans. Elle a été choisie comme deuxième épouse. Puis c'est une famille polygame. Tu sais, en Afghanistan, ça marche bien. Parce que la première avait perdu une jambe. C'est ça que tu la dis, Jean-Claude? La première femme était infertile. Infertile, ouais, avait perdu une jambe. Donc, lors c'est, d'un accident. Lui, il s'en est choisi une autre, tu sais. Hein, elle a plus de jambe, elle est morte. C'est comme une vache qui a plus qu'à marcher. Ça ne sert plus à rien, tu sais. Lui, il s'est choisi une autre femme. L'autre a perdu une jambe, elle est plus bonne. Elle a mis au monde 6 enfants en Afghanistan, dans un foyer polygame. Donc, je sais pas s'il y en avait d'autres. Dominé par un homme tyrannique, là, c'est là que tu te dis, ok, là, elle, tu sais, je veux dire, c'était pas une surprise, là, qui arrive avec un couteau, là. Un homme tyrannique, qui la maltraitait, la traitait de pute, elle a dû mendier dans les rues pour subvenir aux besoins de la famille. Je l'envoyais quêter, il abattait. Lorsqu'ils ont déménagé au Canada, le mari a commencé à se plaindre que Ranjida changeait. Ah oui, elle écoutait la TV. Ah oui, elle écoutait la télé. Elle affirmait avoir droit à l'égalité et que les Canadiennes aient autant de droits. Ben oui, hein? On est de même, nous autres, ici. Ouais. Ben épouvantable, hein? En 2008, elle tentait de se prévaloir du droit de quitter son mari. Ah, c'est épouvantable. C'est ça qui est arrivé, là. Au-delà de la décision qui était rendue, tribunal, bon, il va peut-être mourir en dedans. On s'en fiche. On s'en fout. Soit les 5 ans, 10 ans, garde, creve en dedans. On s'en fiche. Mais c'est un fuck d'immigration. Oui, des immigrants, on en veut. Oui, c'est... on veut en accueillir, mais ils doivent se conformer à notre culture. Quel fuck au niveau de l'immigration de ne pas avoir réussi à détecter un gars aussi contrôlant, qui n'avait pas envie de s'intégrer au Canada, qui n'avait pas envie que son épouse soit intégrée au Canada, qui n'avait pas envie de respecter son épouse comme une Canadienne, c'est-à-dire d'égal à égal. Tu veux travailler, vas-y. Tu veux rester en dedans, vas-y. Là, au risque d'avoir l'air d'un gars fermé d'esprit, là, mais je veux dire, dans ces cas-là, reste donc chez vous. Ben oui! On n'a pas réussi à détecter ça. Puis je suis très accueillant. Il faut détecter là, ça, par contre, Jean-Claude. Mais... Je sais que tu peux... Il va toujours en avoir, là. Mais quand tu dis chez vous, il faut toujours être bien en mesure de le détecter, cet individu-là. Non, je comprends, mais il va toujours en avoir, ça, du monde. Oh, non, mais quand tu vas dans un autre pays, je veux dire, il s'en vient, il a dû s'informer sur le Canada. C'était quoi le Canada? Pourquoi il est venu rester ici, là? Ben, il y a souvent des réunions de réunification de famille. Tu viens rejoindre des... Oui, mais tu t'es conscient, là. T'sais, peut-être qu'on a une réputation moi, là, si aussi je vais rejoindre ma famille, de mollesse. Mais en Corée du Nord, je vais savoir que je m'en vais en Corée du Nord. Oui, mais Jean-Claude, on a peut-être une réputation de mollesse, multiculturalisme. Tu peux garder ta culture, pas de problème. Ah, tu peux faire ce que tu veux là-bas. Tu as un grand terrain de camping, tu peux faire ce que tu veux. Peut-être. Mais il est arrivé ici, il s'est rendu compte que, oups, commençait à être contaminé par ces dangereuses idées d'égalité. Ben, une bonne, maudite bonne chose, là... On l'a pas cru, puis il est coupable. Crime d'honneur. Comme l'autre crotté de Montréal qui était trouvé coupable d'avoir tué sa femme, quoi, ses filles à Kingston. Chafia. Chafia. Ben oui. Des belles gangs, ça. Incroyable. Ça va bien. Tout est beau. Tout est sous contrôle. Ça va super bien.